fin de soirée, 6h du mat, le jour se lève. La lumière la rend encore plus belle, il reste presque plus de rouge sur ses lèvres. Je pourrais rester là, lui faire la cour pendant des heures, lui faire de belles éclats d'amour, lui dire tout ce qu'elle désire. Un verre, deux verres, trois verres et quatre, c'est fou à quel point j'aime cette folie qui montre que lorsqu'on est plus sobre. Celle qui nous maîtrise, qui nous ferait presque oublier qu'on est triste et seul, bloqué dans un sombre épisode. Je l'ai regardé danser, je l'ai regardé danser. Elle avait tout pour me plaire, l'allure, la classe et des jambes élancées. Elle m'attendait pas mais je suis venu lui parler. J'ai pas ressenti ça depuis des années. Son regard m'a désarmé, je me suis dit qui est elle. Fin de journée, 8h du soir, le ciel se couche. Le cœur bat fort, provoque des tremblements. Ce soir, ma tête subit encore les mêmes secousses. Un parcours de vie intense, seul dans mon allée. Je pense aux 5 dernières années, tournée complète dans toute la France, alors que j'y suis même pas né. Mon frère me manque à l'autre bout du monde. L'été, la mer de chaises pliantes à terre, des jeunes seuls mais entourés, c'est ce que l'on était. C'est ce que l'on était. Pardonne-moi si ce soir je flirte avec toi, mais dès le lendemain je flirte avec une autre. Je suis sûr que tu serais pareil. Je l'ai regardé danser, je l'ai regardé danser. Elle avait les yeux clairs qui laissent entrevoir le fond des pensées. Elle m'a donné ce qui manquait depuis des années, mais juste le temps d'une nuit et après, elle ne m'a jamais rappelé.